écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à partir du Sous Pression Punk, mais aussi à partir de la radio communautaire, de la station CHU, CVR et CFRET, CFRT. Je m'appelle Mathieu, je vais être avec vous pendant 60 minutes, là. Je vais faire jouer du Punk Sky du Hardcore tout en français. Je vais garder ça très court, je vais essayer de pas trop parler cette semaine, juste parce que j'ai le goût d'écouter de la musique. Puis pas de m'entendre parler. On a commencé avec des actions directes de l'album La Nouvelle Conspiration, le morceau Moselle Beer. Voici du Caméra Silence, morceau classique d'un album classique par un groupe classique. C'est le morceau Réalité de l'album Réalité, Caméra Silence à Sous Pression. ce festival du bicentenaire, de mettre la ville à feu et à sang. Salut, c'était du Ordure Ionique avec une reprise des Beru et Noir, le morceau L'Opéra Tomato Ketchup, tiré de la compilation Viva Beru, Resaca Sonora avec Camisole Éventrée de leur album Buenaventura, Rix avec à contre-courant de l'album Léna Ravif, et on a commencé avec du Camera Silence, un groupe incontournable du punk francophone, c'était le morceau Réalité tiré de l'album Réalité. On va continuer avec la musique, avec du Pute à Vélo, un groupe français qui sera à Ottawa le 1er septembre prochain au House of Targ au 1077 rue Bank avec les groupes Vulgaire et In Heat. C'est 5$, 20h, alors soyez là, ça va être super bon. Moi je vais être là, j'ai hâte d'y aller. Alors je vais vous faire jouer le morceau de Pute à Vélo, le morceau Fischer Disco Punk de l'album Solution Protocol, et ensuite un morceau par Vulgaire, un groupe de Montréal, un peu de post-punk, cold wave un peu, qui vont jouer avec Pute à Vélo au concert, le morceau Immobile Toi de l'album Heureuse. Alors voici Pute à Vélo et Vulgaire à sous pression. Yeah. C'était du faux départ avec le morceau Dans ma gueule tiré de leur démo, leur album éponyme sorti plus tôt cette année, Traître avec Je m'emmerde de l'album ou de leur EP plutôt, Dors bien, Vulgaire avec Immobile toi de l'album Heureuse, et on a commencé le bloc avec du Putain vélo de l'album Solution Protocale, le morceau Fischer Disco Punk. Le groupe Putain vélo et Vulgaire seront en concert avec le groupe In Heat à Ottawa le 1er septembre prochain au 1077 Bank au House of Targ. Ça va être super bon. Allez-y si vous êtes à Ottawa. Sinon, allez essayer de vous informer, voir si Putain vélo vont être près de chez vous. Il faut faire une petite tournée, alors allez checker ça, ça va être bon. Alors c'est ça, on a rendu mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle, si vous écoutez à la radio, sous pression au site web, souspressionpunk.com, allez checker ça. Vous pouvez m'envoyer un message courriel info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Envoyez-moi demande spéciale, commentaire, plainte, de la musique, comme vous voulez. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors allez-y fort. Maintenant, je vais faire jouer le bloc sono mondial, moment où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde anglophone et francophone. Je vais faire jouer un groupe du Mexique cette semaine. Le groupe s'appelle Mujercitos. Je vais faire jouer deux morceaux de l'album, un album éponyme. Je vais faire jouer le morceau Jesus Cristo et Violador International. Et parlant de international, c'est les Olympiques en ce moment. Si vous écoutez les Olympiques, c'est vraiment cool. Raconte ça, c'est le fun des fois de voir ce que le monde peut faire, ce que les athlètes peuvent faire. C'est vraiment impressionnant. Mais si vous êtes assis chez vous, c'est assez de pas dire hey, on a gagné. Si disons quelqu'un, un athlète du Canada ou des États-Unis ou du pays où vous êtes situé, s'il gagne une médaille, quand vous dites hey, on a gagné, vous avez l'air d'un cave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes assis sur votre couch en train de boire la bière et manger des chips quand la personne est en train de courir pendant 2 heures de temps, pendant 50 km, puis se dit on a gagné. Non, vous avez pas gagné, eux autres ils ont gagné. Alors fermez vos gueules, mangez vos chips, buvez vos bières et continuez à écouter Mujercitos à sous pression. We'll be right back. c'était Mujercito avec Jesus Cristo y Violador International. Voici La Gâchette avec Dans ta face. Caracas, chantons pourtant loin le vraie passion. Où tu vis ici, tes impressions. Où la vie t'appelle, il faut répondre. Où est vivre pour elle chaque seconde. Tous ensemble, il faut s'unir. Tous ensemble, pour réussir. Tous ensemble, il faut y croire. Tous ensemble, et vive l'espoir. Ton insolence, où est ton insouciance. C'est ta force, ta vie, c'est ta chance. Prends garde à toi, ou à tous tes amis. N'oubliez pas qu'il faut être unis. Tous ensemble, il faut s'unir. Tous ensemble, pour réussir. Tous ensemble, il faut y croire. Tous ensemble, et vive l'espoir. La richesse au elle, ou est bien insolente. Et on t'accuse d'être violent. Les limousines noires circulent dans ta ville. Et toi tu l'as le cœur quand tu défiles. Il faut s'unir, tous ensemble pour réussir. Tous ensemble, il faut y croire. Tous ensemble, et vive l'espoir. We'll be right back. C'était Molodoy de l'album Dragon Libre, le morceau Graines de violence. Gerbia avant ça avec Médiocrité sans frontières de l'album Lâche l'école. Les Breastfeeders avec La fille dans la vitrine de l'album Dans la gueule des jours. Les Partisans avec Tous ensemble de leur EP Street Gomes. Soul and Spirit avec Tension de leur EP Une allumette. Quaripita avec Caracas. Et on a commencé avec La gâchette, le morceau Dans ta face, tiré de l'album Dans ta face. Je vais vous laisser avec un dernier morceau par mon autre groupe. Le groupe s'appelle Mon autre groupe, c'est pas un groupe à moi, mais un autre groupe à moi. Au cas où vous n'étiez pas certain, il y a eu peut-être confusion, je sais pas, on ne sait jamais. Le groupe, mon autre groupe, vont sortir un EP bientôt qui s'appelle Décadence. Je vais faire jouer le morceau Décadence. Groupe parisien composé de... Ben, je sais pas. Le groupe a commencé avec des membres de Justine, Guerrier Poubelle. Là, je sais que Till, Guerrier Poubelle, est toujours dans le groupe. Les autres membres, je sais pas s'ils sont impliqués dans d'autres groupes. Mais en tout cas, leur EP, je suis certain que ça va être bon. Du bon hardcore, vite. Ah ouais, c'est ça. Alors, je me ferme la gueule, puis je vais vous laisser avec le morceau Décadence par mon autre groupe. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.